Wanting me to more confiance than you. Présent mon épée capable. Contre l'eau. Mon pas capable sans moyen. Mais ça qui m'en connaît, l'amour pas capable de forcer. Allez, allez où un jour à trouver. Pour oublier, oublier si un désir existe. Fais mon mal, mon liqueur qui fait mal. Ouh, liqueur qui fait mal. Ouh, mon essayer, fait tout possible pour empêcher la chance du l'équilibre. Pendant un lot, mais où pas laisse mon libre. La présent tout inimpossible. Mais c'est moi qui t'avais fait, sa bonne affaire. Est-ce qu'il ou parti pour sentir ou un moyen? Mon pas besoin montrer quand il t'aimant souffert. Ni qui m'ont plongé dans la souffrance sans douleur. Allez, allez où un jour à trouver. Pour oublier, oublier si un désir existe. Ou fait mon mal, mon liqueur qui fait mal. Ouh, liqueur qui fait mal. Ouh, on est plus qu'on est, qui m'en peut espérer, ça qui m'en peut espérer, mon finira. L'amour l'en même de coin, espère demain, ou dis-moi qui demain. Mia pe coule, maman pa pe faire pas exprès. Quand tu te l'ennui, mon prié, qui wa sensé. Allez, allez, où un jour à trouver.